Et voilà, le CD est terminé, c'était Vladivostok. Maintenant, nous allons vous présenter donc les quatre morceaux qui concluent, on peut dire, ce CD. Ce disque. Donc les quatre membres du FBI sont là, hein. Bonsoir à tous. Hey, voilà. Hello JP. Voilà. Bonjour. Est-ce qu'on a gagné la historia de l'autre? Oui, alors. Chez moi, nous aimons bien les chili con carne. Alors, j'ai voulu faire un morceau proche de la cuisine. Donc, j'ai enregistré le son d'une poêle. Le son d'une poêle pouvait produire sur un crâne humain. Donc, ceci m'a servi de rythmique. How did you do this song? Eh bien, j'ai juste fixé un micro au bout d'une canne à pêche. Un ami à moi l'a tenu pendant que je tapais sur la tête de ma belle-mère. Et donc, ceci m'a servi de rythmique et les banjos du pays ont fait le reste. J'ai un groupe d'amis, les Chicaneros, qui sont très connus dans le pays. Donc, j'espère que vous aimerez ce morceau et n'oubliez pas de voter pour moi. Voilà. Merci. Muchas gracias. Merci. Thank you, JP. Hello, Coco. Yo, on ne voit. Yes. And so the question is, what is your song? What did you know about my work, Mides? Not too quick, please. So, alors, il dit qu'il était pas très inspiré. Nikedo, adieu, Nimas. Donc, il a fait appel à un producteur. Qui a fourni des productions hip-hop très en vogue actuellement. Donc il a tout simplement apposé son flow magique, hein. Voilà, il dit que le métissage entre la production contemporaine et son flow japonais fait un cocktail explosif. Eh bien, thank you very much. Maintenant, nous allons écouter Wanner. Hello, Wanner. Hello. Just wanna say that. Oui, alors je voudrais juste dire que. My second school will live in California and jumble. Je suis le seul à maîtriser dans ce groupe la musique écrite et donc j'ai voulu utiliser ce concept d'écriture pour mâcher en mâchant du papier musique. C'est-à-dire que les papiers apportés, une fois mâchés, te génèrent une sorte de cellulose qui, en étant régurgité violemment contre le carrelage, crée une sorte de portée en clé de fa. Et donc cette clé de fa te donne une ligne de basse assez sympathique. On dirait un petit peu une sorte d'étrangeté universelle, cellulique, hein, bien sûr. Nous allons donc écouter le morceau, la présentation par Rome 2. Salut Rome 2. Bonjour tout le monde. Déjà sachez que je vous aime tous, vous Français autant que vous êtes, car j'adore la France, j'adore le fromage, j'adore le vin. Et en fait, moi-même, j'étais très inspiré par la cuisine, toute la gastronomie culinaire de la France. J'ai commencé à boire du vin pour m'inspirer. Et à partir de ces sons que j'ai triturés, transformés, et tout ce que vous voulez en fait. J'ai réutilisé une chanson de quelqu'un. Eh bien, merci à tous d'avoir participé. Rappelons que chaque auditeur peut voter sur le site web vladivoscope.free.fr. Reva de blabla et plata la musica!